Chapitre 7e. Outre les écroulements, le Niagara tient en réserve pour ses visiteurs d'autres dangers dont de nombreuses légendes locales n'attestent que trop la réalité. Entre ces points de roches noires qui percent la nappe verte des ondes, à l'angle même de leur chute, un pauvre pêcheur entraîné dans son batelet par le courant est resté suspendu un jour et une nuit, agonisant sur l'abîme, hors de la portée de tout secours humain. Il y serait mort de froid ou de faim si une lame furieuse, le soulevant enfin, ne lui avait procuré une mort plus facile. Ici, où la chute récente de la table du roc a ouvert une large brèche, tourmentée dans la paroi de la ride américaine, une jeune fille s'est penchée naguère pour cueillir une fleur entrevue dans une fissure du rocher. Fleur et jeune fille ont roulé ensemble dans le gouffre. Là-bas, sur cet amas de blocs où les arbres du rivage et la poussière d'eau des chutes entretiennent une ombre et une humidité constantes, un jeune couple, marié de la veille, se tenait un jour, ne songeant guère au péril. L'épouse, la main passée dans la main de l'époux, voulut atteindre une saillie de rocher, dangereux piédestal couvert de mousse humide. Elle glissa, entraînant avec elle dans la mort celui auquel son amour venait de laisser entrevoir toutes les bénédictions de la vie. Il y a encore à craindre pour les organisations nerveuses, impressionnables, la fascination de l'abîme, non moins réelle que celle que le serpent exerce sur sa victime. Un de mes guides me raconta à ce sujet le fait suivant, dans lequel il avait été tout à la fois acteur et témoin. Il avait conduit une dame et sa fille, créature charmante, sur un des points accessibles les plus plongés dans la fumée des eaux, et la romanesque jeune fille, debout sur la crête du précipice, ses cheveux et ses vêtements flottant au vent, paraissaient tellement absorbés dans la contemplation de la scène sauvage qui s'étendait sous ses pieds, que le guide alarmé, la saisissant par le bras, lui fit remarquer qu'elle s'exposait gratuitement à un grand danger. « Oh » répondit-elle en souriant, « il n'y a point de danger, même si je me précipitais là-bas. Pensez-vous que je puisse me blesser dans ces couches d'impalpable rosée? Je flotterai au milieu d'elle comme un ballon. Mère, je vais essayer de m'envoler. » La mère épouvantée et le guide se hâtèrent d'entraîner en arrière, mais non sans difficulté, la jeune missionnaire, qui ne fut pas plutôt arrachée à sa terrible extase, qu'elle s'affaissa sur le sol et fondit en larmes. En écoutant ces récits et bien d'autres encore, je me dirigeais vers une tour construite au bord même de la chute anglaise. Pour y parvenir, il faut passer sur un pont qui a pour base les rochers parsemés au milieu des rapides. Du haut de la plateforme du monument, qui atteint environ une quinzaine de mètres d'élévation, la vue plonge dans le gouffre de la cascade qui forme un immense croissant. L'eau se précipite avec une rapidité effrayante et tombe en nappes énormes qui ont plus de 6 mètres d'épaisseur. Leurs chocs violents produisent des flots d'écume et lancent dans les airs une masse de gouttelettes brillamment irisées par le soleil. Le fracas de la cataracte est effrayant. Il semble que la terre tremble et que la tour, ébranlée dans ses fondations, va s'écrouler dans le gouffre qu'elle domine. On est en proie au double vertige de l'extase et de l'admiration. De retour sur l'île de la Chèvre, j'allais prendre des rafraîchissements dans le magasin appelé l'Emporium et aussi l'entrepôt indien. On y trouve une foule d'objets fabriqués dans les environs par les tribus indiennes. Il y a des pelleteries de toutes sortes, des chaussures indigènes ou mocassins, des coiffures ornées de paillettes en argent et des portigas en écorce qui sont remarquables par la naïveté de leurs dessins. Après avoir acheté quelques échantillons de l'industrie des Indiens, j'allais faire à l'hôtel mes préparatifs de départ pour le lac Erie et le Mississippi. Le 12 septembre, à 6 heures du soir, disant adieu au Niagara, je pris le chemin de fer qui remonte la rive américaine du fleuve et conduit à Buffalo à travers d'épaisses forêts. Buffalo, peuplé à peine de 2000 habitants en 1820, en compte aujourd'hui plus de 60 000. Les produits de ses manufactures et les céréales de son district ont figuré avec honneur aux expositions universelles de Londres et de Paris. Son heureuse situation au débouché du grand canal Erie, qui unit les eaux du lac de ce nom au riche bassin de l'Hudson et de l'Ohio, explique les rapides développements de cette ville, la seconde de l'État de New York par son importance, son industrie et ses richesses. Elle a déjà, comme l'Imperial City, sa Broadway et ses hôtels-palais, habités par une foule de ménages indigènes qui ne connaissent pas d'autres foyers. On vit avec tant de hâte aux États-Unis qu'on ne s'y donne pas la peine de se créer un logis à soi. Sans aucun doute, si j'avais pu disposer de quelques jours, j'en aurais trouvé le bon emploi dans cette ville et dans ses environs, mais j'eus à peine quelques heures à leur consacrer. Le steamer, qui devait m'emporter à l'autre extrémité du lac Guerrier, chauffait déjà au moment de mon arrivée. À défaut d'observation personnelle, je crois pouvoir emprunter au journal d'un touriste allemand qui a passé à Buffalo quelques années après moi un trait assez caractéristique des mœurs locales. Parmi les choses les plus intéressantes que j'ai vues à Buffalo, je dois certainement, dit M. Cole, ranger une vente de livres à la criée, opération commerciale toute nouvelle pour moi, mais très fréquente en ce pays. C'était une forte partie de livres, tous fraîchement reliés. Ces vieilles éditions, revêtues de parchemin, qui font la joie d'un bibliomane européen, n'auraient pas trouvé ici un seul amateur. Tous ceux qui s'étalaient sous mes yeux resplendissaient des plus vives couleurs et des plus brillantes dorures. Il n'y avait pas jusqu'à de vieux respectables patriciens, comme Thucydide et Tacite, qui n'eussent revêtu, pour tenter les yeux américains, une livrée chatoyante et dorée. À côté de ces princes de l'histoire étaient rangés César, Tite-Live et d'autres sérieux narrateurs, puis une foule d'ouvrages scientifiques des plus graves, sur l'histoire naturelle, l'astronomie, la géographie, etc. Je m'imaginais que tout cet étalage était uniquement destiné aux étudiants, aux professeurs des collèges, et tout au moins aux maîtres de pension de Buffalo. Mon étonnement ne fut pas mince quand j'entendis soudain le commissaire priseur s'écrier « Ceci est un Tite-Live, traduit pour vous de l'original latin. Il n'y a point de lecture plus intéressante. » Voici les commentaires de César, excellent ouvrage qui vous décrit tout au long la France, ses mœurs, ses coutumes et le vieux Paris. Regardez dans quel bon état de conservation est cet ouvrage. Vous ne pouvez offrir un plus joli volume à vos femmes. Les commentaires de César pour un $5. En écoutant ces paroles et en regardant autour de moi, je m'aperçus que l'assemblée à laquelle elle s'adressait n'était en réalité composée que de petits boutiquiers, d'ouvriers de la ville ou de paysans des environs, braves gens, qui ayant bien vendu au marché les produits de leur industrie, étaient bien aises d'échanger une partie de leurs gains contre quelques livres utiles à leur famille ou à eux-mêmes. J'aurais voulu entrer en conversation avec eux, mais la voix du commissaire-priseur m'en empêcha. « Voici, continua-t-il, l'architecture de Bailey, la première autorité des temps modernes en matière de construction. Avec ce livre, rien ne vous sera plus facile que d'établir vous-même un devis de bâtiment. C'est le premier exemplaire de cet ouvrage qui ait jamais été mis en vente à Buffalo. Je vous le cède pour $2. Qui en veut, qui en chérit, 10 cents, 20 cents. » L'architecture de Bailey monta à $3. Ceci est l'histoire des États-Unis, par Bancroft. C'est le dernier exemplaire de cet incomparable ouvrage que je puis vous offrir. Impossible d'élever vos enfants sans ce livre. Tout citoyen est tenu de connaître l'histoire de son pays. Nul n'est capable de prononcer un discours en public s'il n'a lu ce livre. Comment voulez-vous voter ou exprimer vos opinions politiques si vous ne connaissez à fond l'histoire des États-Unis par Bancroft? J'en passe et des meilleurs, tels que la vie de Napoléon par Walter Scott, les antiquités juives de Flavius Joseph et surtout un traité d'astronomie illustré de 2000 figures mettant à la portée de tous, éclair comme le jour, le soleil, la lune, les planètes, les comètes et les étoiles, le tout pour $1. Tout fut enlevé, payé et soigneusement enveloppé et quelques heures après, cette masse incohérente de livres, éparpillée vers les quatre aires de l'horizon, s'écoulait en bateau à vapeur, en voie ferrée ou simplement dans les chemins vicinaux de la banlieue de Buffalo. Il faut certes remonter le cours des âges jusqu'au siècle d'Auguste et de Mécène pour retrouver un fermier colonial rentrant chez lui du marché avec un Tite-Live bien et dûment attaché au bas de sa monture. J.J. Cole, Travels in Canada. Il y a 70 ans qu'au lieu même où s'élève maintenant Buffalo, Chateaubriand rencontra un compatriote, matelot déserteur, qui, une pochette et un archet sous le bras, gagnait sa vie en allant à travers bois, de tribu en tribu, donner gravement des leçons de chorégraphie parisienne à messieurs les sauvages et à messieurs les sauvagesses. Ne vous semble-t-il pas, lecteur, que le sang de ce virtuose doit couler dans les veines du commissaire-priseur que vient de nous montrer M. Cole ?